Les commissaires rendront leur avis sur le nouveau projet de la carrière de Bois Blanc dans un mois. Mais même si leur avis penche en faveur du projet, il restera des obstacles et non des moindres. D'abord, l'implantation de la carrière nécessite la modification du PLU, le plan local d'urbanisme de Saint-Leu, et on voit mal le maire de la commune, Thierry Robert, accéder à cette demande. Si les enquêteurs rendent un avis négatif, ce ne sera pas la fin du projet pour autant. Il reste des possibilités de recours. Quoi qu'il arrive, la préfecture pourra déclarer ce projet de carrière PIG, comprenez, projet d'intérêt général. Là encore, des recours sont envisageables. Bref, le feuilleton pourrait durer encore longtemps. D'abord parce qu'il y a une forte mobilisation contre le projet et ensuite parce que l'État qui finance la nouvelle route du littoral serait dans une position délicate en empêchant cette carrière liée à la NRL. Quant aux enjeux financiers, ils sont aussi très importants pour la SCPR. Sophie Persson. 4 ans de prison ferme pour l'importateur de drogue de synthèse, la drogue dite du cannibale. Il a aussi été condamné à Saint-Pierre hier à une amende de 25 000 euros. Le principal revendeur a été condamné à 30 mois de prison ferme et une amende de 15 000 euros. Tous les autres prévenus ont aussi été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois avec sursis à 18 mois, dont 8 mois de sursis. Le plus lourdement condamné, c'est celui qui faisait venir la drogue de Chine en passant des commandes sur l'Internet. 4 ans de prison donc, mais son avocat, Georges-André Guiraud, s'estime satisfait. Monsieur le procureur, demandez 5 ans d'emprisonnement ferme au titre de l'exemplarité. Je suis très satisfait de constater que le tribunal n'a pas suivi dans cette exagération de peine, puisque la peine était ramenée à 4 années et non pas 5. Pareil pour l'amende, ça a été considérablement diminué. Effectivement, les gens doivent répondre de leur faute en fonction de leur casier, de leur passé, et non pas pour éviter à d'autres personnes de commettre les mêmes erreurs. Maintenant, nous avons 10 jours pour faire appel, nous réfléchirons avant de le faire. Ce sera à mon client de décider. En tout état de cause, nous sommes d'ores et déjà satisfaits sur le fait que cette peine a été considérablement réduite, tant au niveau des dommages d'intérêt que la peine privative de liberté. Georges-André Guiraud, au micro de Sophie Persson. Le trafic aura duré quelques mois seulement, entre juin et décembre 2015, et c'est la première fois que les drogues de synthèse autres que la MDMA, l'ecstasy, étaient importées à des drogues assez addictives et avec des effets secondaires violents selon les témoignages des prévenus. Le Dash 8 est arrivé hier soir un peu après 19h. Il sera basé à Pierrefonds jusqu'au 15 décembre. Les autorités ont mis en place un plan spécifique de lutte contre les incendies pour cette période à risque. Les assureurs face au défi du financement du terrorisme, de fraude et du blanchiment de capitaux. C'était le thème de la formation organisée hier par le comité des assureurs de Lille. Près de 80 employés ont écouté avec attention les recommandations de Philippe Goyenèche, conseiller de l'autorité de contrôle prudentiel auprès de l'IEDOM. L'objectif était notamment de sensibiliser les assureurs sur les blanchiments d'argent et de les informer de la nouvelle réglementation. Pour Philippe Goyenèche, la réunion est un terrain propice au blanchiment d'argent et cela concerne aussi les assurances, d'où cette formation. La Réunion n'est pas exempte de risque de blanchiment comme toutes les zones métropolitaines. Elle est particulièrement exposée pour un certain nombre d'opérations, des opérations en espèces, des opérations avec un certain nombre de pays voisins, des opérations qu'on peut voir à travers les contrats d'assurance notamment aussi, que ce soit dans les souscriptions ou dans les indemnisations des assurés. Philippe Goyenèche au micro de Johan Adama Dorassi. Le personnel du CHU est en grève illimitée à partir d'aujourd'hui sur les sites de Saint-Pierre et Saint-Denis. Parmi les revendications, l'accompagnement financier de l'État et le respect du projet social 2016-2018. Midi 6 sur Réunion Première, la suite de votre journal, Jean-Paul Mélade. On se souvient de son geste héroïque. Bertrand Babeuf a sauvé Laurent Chardard, attaqué par le requin à Boucan-Canotte en août dernier, et cela au péril de sa vie. 6 semaines ont passé et le maître nageur sauveteur est toujours immobilisé avec sa fracture du pied. Une blessure suffisamment grave qui risque de compromettre son avenir professionnel. Nadine Bachelot l'a rencontré. J'ai eu une très grave fracture au pilon tibial, ce qui fait que j'ai pas droit à l'appui tant que mon os n'est pas consolidé. Donc j'ai plusieurs broches dans le pied, j'ai des plaques, j'ai une dizaine de vis. Psychologiquement, c'est sûr que c'est pas évident non plus. Bertrand Babeuf n'est pas encore au bout du tunnel. Quand pourra-t-il remonter sur son jet ski? C'est la question qui le taraude depuis qu'il a été opéré après ses graves blessures occasionnées en enfourchant son engin pour aller sauver le bodyboarder mordu par un requin. Malheureusement, les médecins ne se prononcent pas vraiment. C'est mon chirurgien qui m'a clairement dit au début que ça allait être une opération difficile. L'ostéopathe kiné qui s'occupe de moi, il me dit que ça prendra énormément de temps. Bon, avec le temps, on va voir ce que je peux récupérer. Mais il se prononce. prononcent pas, ils peuvent pas me dire tu remarcheras, tu recourras, tu vas sauter demain. Et je positive en me disant avec la volonté j'y arriverai. C'est moi maintenant qui vais devoir faire ce travail et je pense y arriver. Heureusement, le père de famille garde le moral envers et contre tout. Installé dans le canapé, la jambe droite posée sur un coussin, il a pour seule compagnie la télé, l'ordinateur ou encore un livre, puisqu'il est limité dans les sorties. Le quadragénaire ne rêve que d'une chose, retrouver toute la mobilité de son pied pour pouvoir retourner à sa passion, la mer, et bien sûr pouvoir refaire son métier de sauveteur. En attendant, il prend son mal en patience. Une deuxième opération est prévue en début d'année prochaine. Dominique Sorin, le préfet, remettra à Bertrand Babeuf vendredi après-midi, donc cet après-midi en préfecture, la médaille de la bravoure et du courage. L'opération What démarre ce jour, initiée par France Télévisions. Elle concerne les 18-34 ans. Il y sera question de réussite, d'amitié et de sexualité. Une enquête pour mieux connaître les besoins et désirs des jeunes réunionnais à faire en ligne sur génération-what.re. Claude Onesta à La Réunion et on passe au sport. L'entraîneur et sélectionneur le plus titré du sport français a été invité par la DIR dans le cadre de sa 41e Assemblée Générale pour participer à une conférence réflexion sur l'intelligence collective. Pas question cependant de trop s'éloigner du handball. Aujourd'hui, l'ex-sélectionneur Cézandrin, quand même, a choisi d'être manager général de l'équipe de France de handball. Il a décidé de libérer le terrain au duo Dinard-Gilles. Il dresse un bilan très positif de ses recrues réunionnaises de Jackson Richardson à Daniel Narcisse. C'est une terre de handball et il est évident que qu'on y vienne, nous, gens de la fédération, régulièrement pour y participer, mais aussi pour échanger avec les locaux, pour voir comment améliorer les structures de travail. Je sais qu'en ce moment, j'ai deux collègues entraîneurs nationaux qui sont ici pour travailler avec la filière masculine, le pôle. Je sais qu'il y en a deux qui arrivent la semaine prochaine pour la formation des cadres. Donc voilà, c'est quand même une île sur laquelle on vient très souvent, justement pour participer à l'éclosion et au bon fonctionnement et au bon développement du handball à La Réunion. Claude Onesta, le manager général de l'équipe de France de handball, au micro Réunion Première de Delphine Poudroux. Du 7 au 16 octobre prochain, la ville du Tampon vivra au rythme des florilèges. Le parc Jean de Cambière devient le plus grand jardin de l'île après un toilettage. Dans ce jardin fleuri, les meilleurs horticulteurs y seront présents, même si aujourd'hui la filière n'est pas au mieux. Mais pour les professionnels, ce rendez-vous des florilèges est incontournable, tout comme l'audit dont les résultats viennent de tomber et qui donne des pistes pour relancer et pérenniser la filière. Les précisions de Joseph Avril, vice-président de l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion. Il y a 5 lignes définies et il y a 34 options à travailler sur 5 ans. L'essentiel, c'est de faire reconnaître la profession, si je puis dire, en termes d'identité de production locale pour favoriser la production. Ensuite, travailler sur tout ce qui est formation des gens pour avoir du personnel qui soit qualifié. Ensuite, c'est de répondre, de faire savoir aux gens qu'il y a de l'horticulture qui existe et qu'ils sachent ce qui se fait et comment se fait, c'est-à-dire un truc de marché. C'est toujours une filière d'avenir, surtout quand on sait qu'il y a 5 millions de tiges de roses qui rentrent chaque année, ou 2 ou 3 millions d'anthurium. Non, il vaut mieux être présent et il faut le faire. Joseph Avril, vice-président de l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion, au micro de Pierre Komorasami. Cette bonne nouvelle pour les tamponnés, la commune organisera un marché aux fleurs tous les premiers dimanches de chaque mois sur le site du marché forain. Le premier marché aura lieu le 4 décembre 2016. Une autre idée de sortie dans le sud, la Biennale de la photographie 2016 à Saint-Pierre, qui se tiendra les 7, 8 et 9 octobre dans les jardins de la plage. Dimanche 9, on termine en musique, à 15h, Michael, et à 16h, Misty. Dernière information avant de refermer ce journal, une information tombée dans la matinée, un cadavre découvert sur un chantier de terrassement dans le cirque de Sillaos, une enquête pour crime aurait été ouverte, complément d'information dès 12h30 à la télévision, puis à 17h sur notre antenne radio. Fin de cette édition, il est bientôt 12h12, je vous retrouve à 17h et à 18h, tout de suite les infos, nationales et internationales avec France Info. La Floride fait face à son ouragan le plus menaçant depuis 118 ans avec l'arrivée de Matthew. Ses vents soufflent à près de 200 km/h. Il fait désormais route vers le centre et le nord de l'État, État dans lequel l'état d'urgence a été déclaré. C'est également le cas d'ailleurs en Géorgie, mais aussi en Caroline du Sud et en Caroline du Nord. Matthew est responsable de la mort de plus de 300 personnes dans le sud d'Haïti. 350 000 autres sont sinistrés. C'est dans un peu plus d'une heure, à 11h précisément maintenant, que sera dévoilé à Oslo le nom du ou des nouveaux prix Nobel de la paix. Cette année, C'est un record. 376 personnes ou organisations sont en lice pour l'obtenir. Parmi eux, Edward Snowden ou encore le pape François. 67% des Français estiment que le plan de sauvetage de l'usine Alstom de Belfort, annoncé mardi par le gouvernement, ne sera pas efficace à long terme. C'est ce qui ressort d'un sondage. Sondage Odoxa pour France Info. Pour 69% des personnes interrogées, ce plan a été présenté avant tout dans un but électoraliste. En revanche, un Français sur deux approuve la décision prise par le chef de l'État et par le Premier ministre. Élan de solidarité à Nice, les chauffeurs de taxi annoncent qu'ils ne feront pas payer les proches des victimes de l'attentat du 14 juillet. En tout cas, ceux qui souhaitent assister à l'hommage national prévu le 14 octobre, près de 500 personnes pourront donc séjourner gratuitement à l'hôtel avant de se rendre sur les lieux. Une centaine de voitures seront mises à leur disposition. Et puis, il y a du foot ce soir avec le deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Et sur la pelouse du Stade de France, les Bleus vont tenter de s'imposer sur la Bulgarie. Coup d'envoi à 20h45. Un match qui, vous le savez, se joue sans Benzema. Patrick Kanner, le ministre des Sports, interrogé ce matin sur France Info, affirme que ce n'est pas le sportif qui est en cause, mais c'est l'environnement. France Info. Le développement de tous ces titres, ce sera tout à l'heure avec France Info à 13h. Tout de suite, la météo. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Cet après-midi, les éclaircies ont du mal à arriver. Le ciel reste donc nuageux dans l'intérieur de l'île. Des pluies intermittentes persistent sur les reliefs du nord et puis à Sainte-Marie. Un temps plus clément est attendu dans le sud en fin d'après-midi. Les températures restent en dessous des normales de saison, surtout dans les hauts. Le vent de nord faiblit et la mer est peu agitée à agiter. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Du 20 au 23 octobre, vivez les trois courses, la Diagonale des Fous, voilà qui s'élance, le Trail de Bourbon et la Mascarène. Réunion Première au cœur du Grand Raid avec des correspondants au plus près des coureurs, des invités, des consultants et des spécialistes en direct tout au long de l'événement. Par rapport à sa préparation, par rapport à la nature. Analyse, classement, résultats, interview. Le Grand Raid 2016, c'est sur Réunion Première. Suivez le Grand Raid avec Canal Grand Raid. La région Réunion lance le Pop Nouvelle Génération. Let's go ! Le Pop 2. Pop 2. Et en seconde ou apprenti, dès le mois d'octobre, ton bon Pop est disponible pour l'achat de ton ordinateur portable. Tu peux aussi bénéficier d'une connexion Internet. Pop 2. Sous condition de ressources. Comment obtenir ton bon Pop 2 ? Retrouve toutes les infos et les critères d'éligibilité à la connexion Internet sur le www.régionreunion.com. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors, on met la clim. La clim bruyante. Et chère. Très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Première. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la première et bon appétit si vous êtes à table. Ce vendredi, le magazine de la rédaction revient sur la visite de Latifa Ibdiaten à La Réunion. L'ambassadrice de la paix avec son association IMAD pour la jeunesse et la paix a multiplié les rencontres dans notre île. Cette femme dont le fils IMAD a été tué par le terroriste Mohamed Merah a décidé de faire de la paix et du vivre ensemble le combat de sa vie en hommage à son fils. Durant 4 jours à La Réunion, Latifa Ibdiaten a répété les messages de paix et a appelé La Réunion à protéger et à renforcer son modèle du bien vivre ensemble. Dans les coulisses de Latifa Ibdiaten, un magazine préparé par Karl Sivat et la rédaction de Réunion Première. J'avais un fils qui était très, très loyal, très courageux. Il s'est engagé à l'armée. Il était moniteur de parachutisme. Il a oublié de mourir à genoux et les morts debout. Le 11 mars 2012, Mohamed Merah abattait Imad Ibn Ziaten, ce sous-officier du 1er régiment du train parachutiste de Francazal, près de Toulouse. Depuis cette disparition, sa mère, Latifa Ibn Ziaten, a créé l'association Imad pour la jeunesse et la paix. Cette maman, Mère Courage, a pris son bâton de pèlerin pour aller partager la bonne parole auprès des jeunes, des détenus, des vertus de la vie, du respect, mais également de la République. J'ai fondé cette association Imad pour la jeunesse et la paix, mais je ne savais pas comment la travailler, comment fonctionnait cette association. Il fallait que j'aille sur le lieu où il est tombé mon fils. C'était important parce que mon fils était plus qu'un fils, c'était un fils, c'était un ami, c'était un confident. C'est une moitié de moi. Et quand je suis allée sur le lieu, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai rien trouvé d'écrit à part le son de mon fils. Et j'ai crié très très fort, un cri d'une mère en souffrance. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Il fallait que j'aille voir où il habitait Mohamed Merah, qui il était Mohamed Merah, pourquoi ce jeune de 23 ans de tuer 7 victimes gratuitement. Et je me suis trouvée dans cette cité, comme ça, je ne sais pas comment. Et j'ai tombé sur un groupe de jeunes et je demandais aux jeunes, s'il vous plaît, savez-vous où il habitait Mohamed Merah, 2 fois. Et là, il me dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux, Mohamed Merah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. Et là, j'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je me suis présentée, ils m'ont cerclée. Je croyais, je vais passer comme il a passé mon fils. Et fin de compte, j'ai vu dans la souffrance dans leurs yeux. Cette jeunesse, vraiment une souffrance énorme. Et il y en a un qui m'a pris dans la main et m'a dit, regardez madame, on habite, regardez. Regardez comment on vit. La République nous a oubliés. Vous savez, les rats, quand ils sont enfermés, ils deviennent enragés. Ils sortent, ils font de ravages dans la société. Et j'ai dit, mon Dieu, mais pourquoi vous parlez comme ça? Mohamed Merah, déjà, c'est pas un héros, c'est pas un martyr. C'est un assassin, Mohamed Merah. Et la société, elle est pour rien. Parce que vous n'avez pas saisi votre chance. Vous n'avez pas réussi dans votre vie. Et puis vous mettez la faute aux autres. Je pense qu'on n'est pas à la charge de la République. Si chacun donne et peut donner, on peut réussir. Et là, ce jeune, il m'a dit, c'est trop tard pour vous entendre. C'est beau vos mots, madame. Ça touche au cœur. Mais moi, j'ai 25 ans, c'est fini pour moi. Mais ce message, passe-le aux autres, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que j'ai démarré mon association. J'ai dit, vous êtes les origines de ma souffrance, mais je vais tendre la main pour vous aider. À l'occasion de la journée internationale de la non-violence, Latifa Ibn Ziaten était à La Réunion, occasion pour elle de partager son vécu avec les Réunionnais, d'insister sur ce bien vivre ensemble et de la richesse qu'est la vie. C'est un grand honneur de partager, d'échanger avec les Réunionnais ici. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Au consulat de l'Inde à Saint-Denis, marqué le 2 octobre, jour de la naissance de Gandhi, a semblé tout naturel, un événement en présence de personnalités et de communautés diverses. En cette journée internationale pour la non-violence, les participants ont apprécié la célébration et la diffusion de l'esprit de Gandhi. Célébrer Gandhi dans une île et dans un autre pays, c'est on voit que la culture indienne est répandue dans le monde entier parce qu'à Londres ils le font, dans les autres pays ils le font, mais à La Réunion c'est aussi une occasion spéciale parce que la plupart de la population, leurs ancêtres venaient de l'Inde, donc c'est une façon de représenter l'Inde. Je viens de Pondichéry. J'étais au lycée français de Pondichéry. J'ai fait la moitié de mon enfance là-bas et là je suis en licence de droit. Le fait d'être ici me rend très heureuse parce que je sens qu'ils considèrent Gandhi comme en Inde en fait. Et tout le monde, même dans les cahiers, les manuels scolaires, j'ai vu qu'on étudiait un peu Gandhi en histoire, en géo, et on voit la place importante qu'occupe Gandhi en fait. Ce que j'aime avec La Réunion, c'est qu'on accepte les différentes cultures, on vit plus ensemble, on s'intéresse aussi à d'autres cultures, on ne reste pas figé dans le nôtre, et c'est ce que j'aime beaucoup en fait, c'est l'esprit ouvert qu'on a à La Réunion. Le fait de découvrir d'autres religions, d'autres cultures, et voilà. Constater bonne paix. Et pour tout le monde à La Réunion, toute la communauté de l'océan Indien, on dit non-violence et la paix universelle parmi nous. C'est la paix, et puis qu'on veut que la paix soit pour tout le monde. Gandhi reste un modèle pour C'est un modèle universel, je dirais, hein, pas uniquement pour l'Inde, pas uniquement pour l'Asie, c'est pour l'univers. Il a promulgué beaucoup de choses pour le monde entier. Ça représente la paix. l'harmonie avec le peuple, tout le peuple divers de La Réunion qui est formidable. Parce que moi je ne suis pas d'ici, je suis de Strasbourg. Donc ça me parle beaucoup aussi. Je ne suis pas du tout de La Réunion, mais je me sens complètement intégrée ici quand même. Résolument engagé dans la transmission de messages, de tolérance, de non-violence, de respect de l'autre, des institutions et du rôle primordial de l'éducation et des parents, Latifa Ibn Ziaten a partagé sur ce qui est le moteur de sa vie, une constante paix, espoir et tolérance avec un réel désir de comprendre et voir au plus près ce qu'est le bien vivre ensemble à La Réunion. Sur cette participation à la journée de la non-violence chez nous, la présidente de IMAD pour la jeunesse et la paix se dit privilégiée tout simplement de découvrir notre île. C'était un plaisir pour moi de rencontrer, de voir les gens, comment ils vivent ensemble, quel partage ils font, la manière d'échanger, la manière de dialogue. C'était important pour mon expérience aussi, que je peux partager, que je dirais aussi comment on peut et comment on vit en France aujourd'hui. Il revient toujours dans vos échanges, hein, ce message de paix, d'espoir, de tolérance. Et puis cette notion de partage, pourquoi ? Parce que moi j'ai grandi dans cet milieu familial. J'ai grandi avec une grand-mère qui était une femme formidable, qui m'a appris le partage, l'amour, d'aller vers l'autre, de ne pas avoir peur de l'autre. Et la tolérance, elle est mutuellement, c'est important. Et voilà, j'ai grandi avec cette éducation et que j'ai donnée à mes enfants, que je partage aujourd'hui avec des autres enfants et des adultes, des mamans, voilà, tout ce que je côtoie, tout ce que je rencontre dans mon chemin. Et j'essaye de partager ce vivre ensemble, de partager, d'ouvrir son cœur, de donner de l'amour à l'autre. Alors vous donnez beaucoup, mais a priori, vous recevez également beaucoup de ces échanges? Bien sûr, je reçois beaucoup. Je donne et je vois que des jeunes, ils m'aiment. Beaucoup de jeunes qui me disent « Vous êtes notre mère, vous êtes notre deuxième maman. » Comment on réagit quand on entend ça? Vous êtes notre mère, notre deuxième maman? Ça me donne beaucoup de frissons, beaucoup de courage de continuer ce combat. Et surtout quand beaucoup de jeunes me disent « On est tous des Aïmed, madame. » On est derrière vous et vous êtes derrière nous, aidez-nous. Alors voilà, je ne peux pas baisser les bras aujourd'hui, c'est important. Et dimanche, lors de la mise en terre de l'arbre de la paix à la grotte des premiers Français à Saint-Paul, Latifa Ibn Ziaten a pris le temps d'écouter un véritable partage et cette voix d'enfant qui donne de l'écho encore à la cause. Pourquoi cette violence, cette insolence, l'injustice, où est-elle? Le monde est en rempli, que cause la guerre, que des misères? Pourquoi ce bâton, pourquoi un crouton? Et les malheureux soldats, trop vite leurs espoirs sont bas. Comment cesser cette violence? Ah, ce n'est pas une évidence. Je dirais que quand les hommes réapprendront à être solidaires, plutôt que faux jetons, le monde sera peut-être plus en paix, alors les soldats ainsi que l'armée pourront enfin se reposer. Jeunes d'aujourd'hui, c'est pour vous que j'écris. Prenez-vous la main et aidez votre prochain. Et si nous sommes vainqueurs, le monde sera peut-être meilleur. Bravo. Bravo. Le monde meilleur. De manière symbolique, donc, cette plante qui sera mise en terre dans un instant, donc, notamment par vous, les enfants, vous aurez bien sûr l'occasion, chaque fois que vous souhaitez de revenir ici, à la grotte et de passer par là, et de dire qu'il y avait aussi une invitée, une ambassadrice de la paix, Madame Ziaten, qui était là avec vous donc, pour mettre cette plante en terre. Et comme ça, à chaque fois, ça va justement revenir, notamment dans votre esprit, et de dire et de rappeler qu'il y avait aussi un monsieur qui nous a rappelé à l'instant même que la violence pour la violence, non. Maintenant, allons privilégier le dialogue. Avec Madame Ziaten, nous allons donc mettre en terre notre arbre, notre pas de poule à nous, La Réunion. C'est pas de poule qui dure longtemps. Hein. Il en aura déjà 80 ans, pas de poule sera encore là, mais garantie à ça. Et plante allie avec le cœur et pense bien aujourd'hui, 2 octobre, journée internationale de non-violence. Nous devons être là pour causer, pour trouver des solutions et non pas pour buter l'un contre l'autre. Je ne suis pas tombée dans la haine, ni de la souffrance. Je voulais tendre la main à l'autre. Je voulais aider cette jeunesse perdue. Je voulais protéger cette jeunesse. Et passer ce message au père, au maire et au l'État, bien sûr. Tout le monde est responsable de cadrer et d'aimer ses enfants parce que cette jeunesse, c'est la meilleure de demain. J'ai de la lumière. Merci. Bravo. Et lors de son aparté avec Pascal, émotion et partage, encore une fois. Et ça va changer leur vie. C'est important. Dans ma famille, musulmans, hindous, vietnamiens, caf, on a tout. C'est une famille. C'est le mélange qui est une richesse. Il manque que ça en France, que les gens se mélangent. Se mélangent. Même les gens, ils se mélangent entre eux, mais ils restent entre eux. Ils ne partagent pas. Ben non, ici... Ici, il faut partager quand on est mélangé. Mais ici, on opère aussi la solidarité doucement, doucement. Mais on est en train de faire tout. On est en train de batailler sur le patrimoine, justement, pour ne pas pomper ça. Pour passer à nos enfants, justement, ces valeurs. Voilà. Parce que ça se perce, mais les gens veulent être comme ailleurs, mais ils oublient le principal, que la famille, les amis, les voisins, c'est tout le monde. Toujours protéger l'humanité, il faut toujours garder l'esprit, le cœur ouvert à l'autre, de ne pas avoir des frontières. Je suis fier aujourd'hui que vous êtes là. Parce qu'il n'est pas facile. Mon pays n'a pas de frontières, il n'a pas de couleurs. Je suis un enfant de la terre. Sur la terre sacrée, on a marché pieds nus. Au fil des 16, on a compté les lunes. On a su lire le ciel en guise de boussole. Acquis le respect, car l'homme n'est pas seul. On calculait le temps grâce au soleil. Transmettait notre histoire de bouche à oreille. Mon pays n'a pas de drapeau, car on est tous les mêmes derrière nos couleurs de peau. Connectés à la voix du Créateur, guidé par les oiseaux migrateurs. Aborigène à mes ancêtres, j'ai obéi. Lié à la terre, en parfaite harmonie. Porté par elle, je retournerai poussière. Je suis un enfant de la terre. La mère d'Imad parcourt la France à la rencontre de collégiens, lycéens, des familles avec cette ambition de partager, de faire changer les mentalités, mais pas simple en France d'opérer un changement radical. Ça change, mais il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, malheureusement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on vit avec cet attentat terroriste qui a touché le cœur de la France, qui a touché aux Français, et que c'est une petite minorité qu'on doit combattre, ou qu'on doit aider à s'en sortir de ce drame et de cette souffrance pour qu'on puisse vivre ensemble avec la paix, avec le respect et avec la dignité. Est-ce que, selon vous, les épisodes dramatiques et douloureux des attentats, est-ce qu'il y a eu un changement dans la société française depuis ? Est-ce que la prise de conscience est en train de grandir, selon vous ? Et le changement, c'est cet amalgame. Cet amalgame, ce regard un peu froid. Les gens, ils ont peur, ça se comprend, mais je dis, faut pas avoir peur, parce que si on a peur, après la peur, on devient avec de la haine, et c'est pas bon. Il faut avancer, il faut comprendre, il faut connaître, mais il faut pas avoir peur. Et c'est vrai, aujourd'hui, la France, les gens, ils peuvent de pas avoir confiance, de la peur, de se poser des questions, voilà, c'est le... Moi, ça m'arrive souvent, je vois ça dans les yeux, mais c'est à nous aussi d'aller vers eux et de dire, voilà, on est pareil, on n'est pas différent. C'est une petite minorité, le terrorisme est la honteuse religion. C'est pas la religion qui tue, parce que toutes les religions, c'est le chemin de la paix, c'est le chemin de partage, de l'amour, de la tolérance, de vivre ensemble, c'est important. Comment combattre, selon vous, ou inverser ce sentiment de peur, ceux qui nous regardent et qui tournent la tête ? Moi, quand je vois quelqu'un comme ça, je vais vers lui. Je dis, vous donnez rien que le regard et le sourire. C'est important. Parce que quand on regarde quelqu'un avec les yeux de cœur, et quand on a le sourire, on peut dialoguer facilement. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il ne faut pas juger la personne sur l'apparence. Il faut regarder qu'est-ce qu'il a dans son cœur et qu'est-ce qu'il peut donner à l'humanité. Tout à l'heure, vous parliez d'apprendre à aller vers l'autre. Et quel rôle pour l'école dans ce aller vers l'autre, mieux connaître l'autre et mieux vivre ensemble ? C'est pour ça que je passe ce message tous les jours quand je passe dans l'établissement scolaire. Connaître l'autre, c'est important. Pour connaître l'autre, de ne pas avoir peur de lui, d'aller vers lui, de dialoguer, d'échanger. Et il ne faut pas avoir peur. Si on ne va pas vers l'autre, on ne peut pas se connaître. Et c'est important d'aller vers l'autre. Et l'école dans tout ça ? L'école, est-ce que l'école doit être cet espace d'éducation, d'apprentissage à la réussite et faire rêver grand pour mieux connaître, mieux apprendre et forger l'être humain de demain ? C'est important, c'est son rôle. L'éducation nationale, c'est son rôle d'apprendre son élève, de connaître l'autre, d'aller vers l'autre, le respect, le partage, la tolérance. C'est le rôle de l'école et le rôle des parents, parce que l'éducation, elle est importante. Les parents, l'école, elle commence à la maison. Et la première maîtresse, c'est la maman qui apprend la politesse, le respect, le vivre ensemble, le partage à son enfant avant qu'il parte à l'école. Et l'école, c'est une deuxième maîtresse qui renseigne l'enfant et qui donne la chance de la réussite et de l'avenir. Une constante, les jeunes semblent réceptifs au message de Latifah Ibn Ziaten. Pour elle, les jeunes doivent être les principaux vecteurs de la transmission de ce message de paix que souhaite faire passer son association. Pour cette maman, chaque jeune qui accepte de la recevoir, c'est un plus, c'est un témoin et un messager supplémentaire. Beaucoup de jeunes qui me disent « Merci madame, vous avez donné le goût de la vie ». Et ça, ça me donne encore plus de force. Beaucoup de jeunes me disent « Je dis jamais « Je t'aime, maman ». Et moi, vous avez réveillé le cœur pour aller vers ma mère et de l'embrasser. Beaucoup de jeunes disent « J'avais pas envie d'apprendre ». Et la manière de vous entendre, le conseil qu'ils vont nous donner, il n'y en a pas beaucoup de mères comme vous. Et je peux le certifier, madame, il n'y a pas beaucoup de femmes comme ça. Mais vous réveillez beaucoup de choses en nous et vous nous donnez l'espoir. Et c'est pour ça que je dis, j'ai pas le droit de m'arrêter. Je dois continuer mon combat. On vous a posé cette question 10 000 fois déjà, mais cette force intérieure, vous allez la puiser où pour rester aussi ouverte, aussi disponible et puis avec cette envie de partager avec l'autre, avec les autres aujourd'hui? Alors la force que j'ai, mon fils est toujours avec moi. Il m'aide, il n'est pas parti, sa mémoire, sa force. Alors j'ai pas le droit de baisser les bras parce que il a refusé de se mettre à genoux, il est mort debout. Il m'a laissé son message pour moi et pour le monde entier. Alors, je dois continuer. Et partager, j'ai grandi dans ce partage. Et on partage quelque chose dans le cœur, quelque chose quand ça ne se vende pas, ça ne s'achète pas, mais on peut le partager avec l'autre. Et le contact avec les jeunes de La Réunion a été positif. Le retour des échanges avec eux a donné des idées à la présidente de IMAD pour la jeunesse et la paix. Et je vois beaucoup de jeunes ici, il y a des rêves. C'est formidable quand je pose la question à une jeune, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je veux être infirmière. À l'Hexagone, je demande certains établissements scolaires, qu'est-ce que vous ferez plus tard ? Est-ce que vous avez des rêves ? Non, madame. Est-ce que vous avez d'espoir ? Non, madame. Vous voyez la différence ? Et ça me choque. Et là, ça me donne la joie. Voilà, c'est l'avenir. Et l'avenir de cette jeunesse, il faut l'aider, il faut les motiver. Et j'ai envie d'amener un groupe de jeunes pour montrer les jeunes réunis comment ils vivent ici. J'ai envie de faire cet échange. Ça me donne beaucoup d'idées de regarder autour de moi. Et j'amènerai un groupe de jeunes pour échanger avec les jeunes réunis, pour voir la joie de la vie, la joie du partage, qu'on n'est pas différent. Et ça, c'est important. Lorsqu'on vous a parlé de vivre ensemble, vous étiez sceptique à la base. Vous vous êtes dit, bon, c'est peut-être une vitrine quelque part. Alors, il m'a dit beaucoup de surprises. Il m'a dit, vous verrez sur place, je ne vous dirai pas plus. Mais nous, on travaille énormément sur le vivre ensemble. Et c'est vrai, c'est que quelque chose que pas faux. Et je ne m'attendais pas. Je croyais, je vais voir la même chose que l'Hexagone, que je vis aujourd'hui en France. Et si on est en France ici aussi. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas cette chaleur humaine. Ce n'est pas le sourire que je vois ici, là-bas. Les gens, ils n'ont pas peur de l'autre. Je sens ça. Les gens, ils viennent facilement. Ils partagent le repas. Je l'ai vu tout à l'heure. Les gens, ils se partagent. Et ça manque. Et si vous l'avez. Et c'est pour ça que je voulais montrer à notre jeunesse de l'Hexagone. Et si, c'est quoi la Réunion. Et vraiment, le vivre ensemble, vous l'avez. Mais il faut vraiment, vraiment le garder, le protéger. Le combat de cette maman, de cette présidente d'association est aujourd'hui partagé. Son message est aussi exploité dans les écoles chez nous. Jacques est prof d'histoire et géo, mais également d'éducation morale et civique. Il a expliqué comment les lycéens de notre île accueillent Ibn Ziaten. Il est complètement d'actualité. C'est tout à fait fondamental aujourd'hui de rappeler le message, par exemple, de la laïcité dont elle parle souvent dans ses interviews, qui est fondamental pour vivre ensemble, qu'elle évoquait encore là ce matin. Voilà, ça nous semble vraiment très fort d'appuyer donc nos cours sur ce genre de message. Les élèves sont très sensibles à cet aspect de la question. Et à nous, bien sûr, enseignants, de dépasser cette émotion et d'expliquer effectivement l'histoire des religions, la loi de 1905, la laïcité, tous ces aspects très importants aujourd'hui. C'est une entrée en matière qui me semble très proche des jeunes. Ouais. Ça les touche profondément de savoir que son fils a été tué et donc qu'elle a dépassé son émotion pour essayer de construire quelque chose. Tout à fait fort comme message. Effectivement, ça commence par un fait divers très tragique. Et après, on peut approfondir la question et réfléchir aux grands problèmes du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. C'est celui de nos élèves. Voilà, donc c'est notre métier. Et si les jeunes disent oui, Latifa n'oublie pas les rencontres avec les adultes, les parents. Il y a des parents qui sont très fiers et contents de messages que je passe. Ça complète leur éducation. Il y a certains parents, malheureusement, qui sont perdus. Il y a des mères qui vivent seules, qui n'ont pas le choix, parce qu'elles travaillent, elles n'ont pas le temps de donner aussi cet amour et l'éducation à leurs enfants. Et il y a des parents que je le secoue. Je dis, réveillez-vous, soyez présents pour vos enfants, protégez-les. Parce que la mère et le père, c'est eux qui peuvent protéger son enfant. C'est leur devoir. Chacun de nous, c'est notre devoir de protéger nos enfants, de l'éduquer, de les aimer, de les orienter, de les montrer le bon chemin. Et l'enfant, il peut grandir très bien. Parce que s'il a un modèle à la maison, lui, il sera un modèle tout le temps. Chaque nivée chante la paix, l'humanité dans la gaieté. L'âme réfléchit midi, que ça faut faire. Aujourd'hui, la France est touchée par le phénomène de radicalisation. La Réunion n'y échappe pas et si son fils est tombé sur les balles d'un terroriste, la montée de la radicalisation inquiète les autorités, les familles et pour Madame Ibn Ziaten, il faut réagir. Mon conseil d'abord, c'est à la famille d'être vigilante avec son enfant, de partager un repas avec lui une fois par jour pour regarder le changement de l'enfant, de quoi il a besoin, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a un problème, de vérifier chaque geste, parce qu'on a besoin de le protéger. Cet âge-là, l'âge de 14 ans, 15 ans, c'est la plus difficile, et c'est là qu'on doit être vraiment, vraiment disponible à notre enfant et derrière. Et j'ai aussi de dire aux jeunes, faites attention, la vie, elle est précieuse. C'est très important. Ne risquez pas votre vie. Pensez à votre vie, pensez à votre famille et pensez à la vie des autres. Les soutiens à cette association se multiplient également à La Réunion. Samia et Arnaud sont sainte-mariens et ont tenu à aller à la rencontre de Latifa. Bon, on la connaît malheureusement après justement le décès de son fils par Imed. Et puis en fait on la suit sur les réseaux sociaux. Elle a une association qui promulgue en fait la paix, la laïcité, les valeurs de la République. Et elle combat justement justement, elle évite, elle essaie de déradicaliser les jeunes en difficulté dans les prisons, dans les lycées. Voilà. Même si on n'est pas touché par un proche, on a quand même été ébranlés, on a été en colère, on comprend toujours pas. Il ne faut pas être indifférent, même si on n'est pas touché. On doit tous être concernés. Et le vivre ensemble, c'est même si on... Voilà, c'est nous. Bon, moi, elle m'a émue. Je pense qu'elle émeut beaucoup de personnes. Quand elle va dans des collèges, les enfants sont touchés. Au départ, ils ne comprennent pas forcément. Puis elle raconte humblement avec son cœur ce qui se passe et ce qu'elle a... Donc oui, elle touche. Pour moi, c'est une espèce de Nelson Mandela. Où... Nous trouvons, bien entendu, le combat de Mme Ibn Ziaten admirable. puisqu'elle a fait de sa douleur, de sa souffrance, une force. Et un combat qui nous émeut particulièrement, évidemment, c'est quelque chose qui nous touche tous. On n'a pas été individuellement touchés par les drames qui ont sévi en France ces derniers temps, mais on a tous été touchés par quelque nature que ce soit, pas que ce soit les attentats de Charlie Hebdo ou les autres. On a tous quelque chose, quelqu'un à qui l'on doit pleurer. Et donc oui, ce combat qu'elle fait pour la laïcité est un combat qui est noble, et c'est un combat qui est, semble-t-il, et s'il n'y a aucune, je n'ai aucun arrière-propos là-dessus, en disant que Mme Ben Zayten fait elle-même un combat vrai, pur et louable de la laïcité, quand d'autres le font pour des visées personnelles. Et si l'on entend parler de radicalisation qui pourrait grandir dans les prisons, la maman du militaire tué par un terroriste va aussi à la rencontre de détenus, des moments particuliers pour cette femme qui porte la souffrance d'avoir vu tomber son fils. Alors les détenus, la source message que je dis, soyez courageux, avancez, apprenez, sortez des hommes, laissez votre passé derrière vous, projetez quand vous sortez, projetez dans la vie. Ne restez pas bloqué parce que vous étiez dans le prison. Le prisonnier, beaucoup me répondent, on souffre, madame. On est derrière les barreaux. On n'a pas beaucoup d'activités. Ils nous traitent comme des animaux. Et quand on va sortir, j'ai crainte comment je vais trouver ma place dans la société. Comment je vais trouver ma place dans la famille. Et ma vie, elle est vraiment, moitié de ma vie, elle est passée derrière les barreaux. Alors je dis, si on a vraiment envie de réussir, vous n'êtes pas là pour rien. Vous avez fait des bêtises. Alors il faut assumer votre bêtise. Mais pour sortir, trouvez votre place. C'est à vous de la créer. C'est à vous de trouver pour vivre et pour projeter dans la famille. Laissez votre passé ici dans la prison. Et je passe aussi les gens qui travaillent dans la prison, que ce soit les matelots ou le directeur. Je dis, tendez-les la main, donnez la chance. Même s'il n'y a pas beaucoup d'activités, je sais qu'il manque d'argent partout, au moins qu'ils livrent dans les délivres, qu'ils peuvent voyager, qu'ils peuvent s'évader de sport, quelque chose pour les motiver, pour les courager, mais pas les laisser derrière les barreaux parce qu'ils ne veulent pas sortir et on ne les oblige pas. Ce n'est pas bon de laisser derrière un prisonnier seul et peut faire beaucoup de mauvaises idées et peuvent les rentrer avec une petite haine. Il peut sortir avec une grande haine et c'est un danger pour la société. La démocratie, est-ce que ça peut être une arme face au terrorisme aujourd'hui ? Oui. Oui. Comment distiller justement cette idée ? Comment faire en sorte que ceux qui sont fébriles, fragiles, puissent ne pas sombrer dans le terrorisme ? Chaque citoyen, il peut aider l'autre. C'est important. Parce que la République, on n'est pas à la charge de la République. C'est à nous aussi d'aider la République pour que la France reste debout. Et ces jeunes, la République aussi, ils ne doivent pas les oublier. Ils doivent les aider. Ils doivent les protéger. Ils doivent trouver des solutions. C'est important pour toutes ces jeunes. Donne-nous la main. Donne-nous la main ensemble pour mieux réussir demain. En cœur, on a chanté ce petit refrain. Dans la paix, dans l'amitié, dans la sérénité. Allons, allons, donne à nous la main. Donne à nous la main ensemble pour mieux réussir demain. Et pour que le partage à La Réunion soit opéré, c'est le collectif Partage Citoyen pour la Paix qui a invité Latifa Ibn Ziaten dans notre île. Un échange et un partage gagnant-gagnant, les deux structures souhaitant partager leurs expériences et enrichir leur potentiel d'intervention. Yolande Veileye a expliqué les motivations de son collectif. On garde des beaux souvenirs en la personne de Madame Ziaten parce que pour nous, on a des repères dans la vie. Des grands humanistes, Victor Schœlcher, Mandela, le Mahatma Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King. Mais aujourd'hui, Madame Ziaten, c'est une femme active. C'est une femme qui est omniprésente, non seulement en France métropolitaine, et aujourd'hui à La Réunion, au département de La Réunion, mais aussi à l'étranger. Donc, le travail de Madame Ziaten, c'est quoi ? Son travail, c'est juste aller faire passer un message de paix. Et donc, nous, ici, à La Réunion, on parle de notre vivre ensemble réunionnais. C'est vrai, nous avons la chance d'hériter cet bel héritage, cette culture aux mille visages, aux mille regards, aux mille sourires. Mais nous avons un rôle à jouer aujourd'hui, parce que tout simplement, rien n'est acquis. Et donc, nous devons travailler davantage, et ça venu ici, ça nous sert à quoi de faire venir Mme Ziaten ici? C'est surtout d'échanger avec elle de nos expériences respectives, partager avec elle de nos valeurs respectives. Et donc, si nous sommes dans le partage, Mme Ziaten est dans le partage, je pense que là, le message est de dire aux enfants, à notre jeunesse, que la différence ne doit pas être un obstacle pour aller à la rencontre de l'autre, mais se servir justement de cette différence comme passerelle de dialogue. Et si le modèle réunionnais est mis en exergue avec le fameux bien vivre ensemble, pour le collectif Partage Citoyen pour la Paix, il faut protéger cette société. Chaque personne a un rôle à jouer. On ne peut pas mettre la faute sur l'autre. On ne peut pas dire c'est à cause de l'éducation. Parce que l'éducation première, c'est l'éducation des parents, dans un premier temps. Et notre travail aujourd'hui, cette démarche de paix, c'est justement d'aller voir les familles, d'aller voir les personnes en difficulté, d'avoir les quartiers qui connaissent, ces quartiers qui connaissent des difficultés, notamment la montée de la délinquance, de travailler avec les volontaires, les bénévoles, pour qu'à un moment donné, on arrête aussi de dire l'autre la faute. Chaque personne a un rôle à jouer, mais bien sûr que c'est l'avenir, c'est la jeunesse, l'avenir, c'est les enfants. Et donc, travailler davantage avec les familles, retrouver, essayer justement de revenir sur des valeurs réunionnaises qui sont en voie de disparition aujourd'hui, c'est important pour nous. Mais alors, comment faire? Avec qui? Et surtout, y a-t-il un responsable, un seul, Yolande Véléa? Chaque personne a un rôle à jouer. On ne peut pas mettre la faute sur l'autre. On ne peut pas dire c'est à cause de l'éducation. Parce que l'éducation première, c'est l'éducation des parents, dans un premier temps. Et notre travail aujourd'hui, cette démarche de paix, c'est justement d'aller voir les familles, d'aller voir les personnes en difficulté, d'avoir les quartiers qui connaissent, ces quartiers qui connaissent des difficultés, notamment la montée de la délinquance, de travailler avec les volontaires, les bénévoles, pour qu'à un moment donné, on arrête aussi de dire l'autre la faute. Chaque personne a un rôle à jouer, mais bien sûr que c'est l'avenir, c'est la jeunesse, l'avenir, c'est les enfants. Et donc, travailler davantage avec les familles, retrouver, essayer justement de revenir sur des valeurs réunionnaises qui sont en voie de disparition aujourd'hui, c'est important pour nous. Depuis les vagues d'attentats et les risques qui pèsent sur la France avec cette menace permanente, Latifa Ibn Ziaten est invitée partout. Elle est aujourd'hui une citoyenne engagée et porte-parole pour la paix. Parmi les espaces d'expression récents, elle a pris la parole le 30 août dernier à l'université du MEDEF, un rendez-vous particulier mais aussi une occasion de sensibiliser encore un peu plus les chefs d'entreprise. Bah, beaucoup ils m'ont félicité. J'ai dit, c'est à vous de donner la chance à cette jeunesse. C'est vous que vous avez les clés. Je voyais dans leurs yeux, ils étaient sincères. Et c'est vrai, c'est grâce à eux que la France y fonctionne. Sans eux, on ne sait pas où ce qu'on est. Parce que toute l'économie, c'est eux. Et je dis, sauvez cette jeunesse. Et il y en a beaucoup, ils m'ont dit, on fait tout nos possibles. Parce qu'avant, ils prenaient un CV avec la photo. Maintenant, ils prennent le CV sans photo. Essayez de donner la chance à toutes les jeunes, que ce soit du quartier défavorisé ou des jeunes qui sont des milieux bien. La convergence des missionnaires pour la paix est un atout pour les sociétés de demain. C'est toute une armée de volontaires qui s'engagent à répandre ce message de paix et de lutte contre la violence. Et la Réunion est tout aussi concernée, selon Yolan Véléa. Ben, nous vivons dans un monde, à la Réunion, on parle du vivre ensemble, mais nous sommes dans un immeuble, la porte d'en face, à peine 3 mètres de distance qui nous sépare, on ne sait même pas le nom de notre voisin. Donc, il faut revenir, c'est un travail aussi de mémoire, de transmission, certes. Il faut revenir à des valeurs ancestrales, traditionnelles, tout en aussi restant dans la modernité. Et ne pas oublier justement nos traditions ancestrales qui faisaient de nous justement un peuple, une culture aux mille visages, aux mille sourires, aux mille regards, et qu'aujourd'hui, eh ben, nous sommes fiers quand on voit qu'il n'y a pas de compétition au niveau des religions. Au contraire, il y a une cohabitation. Le vivre ensemble et croire que c'est un acquis, il faut rester là et on est intouchable. Non, au contraire, de dire oui, nous avons un vivre ensemble extraordinaire que nous devons partager avec l'Hexagone, avec le reste du monde. Et c'est pour ça, midi, moi, que moi tout seul, m'y rêve d'une paix. Mais ensemble, allons construire un monde de paix. 4 jours durant, entre conférences et rencontres de terrain, Latifa Ibn Ziaten a répété inlassablement ses rêves, ses messages de paix, et elle est repartie en estimant avoir reçu que des cadeaux de la population réunionnaise qui redonne de l'espoir. C'est important de vivre avec la paix. On n'a pas besoin de toute cette guerre qu'il y a aujourd'hui, toute cette violence. Si on pourra, chacun de nous, d'aller vers l'autre, d'aimer l'autre, tendre la main, d'écouter surtout le regard, le sourire, on peut vivre ensemble avec beaucoup de dignité et la paix, le respect de l'autre. On ne doit pas juger la personne sur sa, ni sur sa religion, ni pour respecter sa différence. Il faut vivre ensemble avec beaucoup de respect. C'est ça que je souhaite. Chacun de nous y aller vers l'autre. On ne donne rien, on donne avec nos cœurs, le sourire. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Dans les coulisses de la visite de Latifa Ibn Ziaten, un magazine de la rédaction de Réunion Première préparé par Karl Sivat. Dans quelques instants, ce sera la chronique écho. Envie de booster votre carrière? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de l'ADEME. Première. On les appelle les biocarburants de seconde génération. Ce sont ces carburants issus de résidus de forêt, de paille ou encore de canne à sucre encore peu développés aujourd'hui. Ils peuvent représenter une alternative sérieuse au pétrole d'ici une quinzaine d'années. On va y arriver. La chronique éco est présentée aujourd'hui par Tessa Groman. La chronique éco, Tessa Groman. Dans la catégorie des biocarburants, il y a la première génération, élaborée à partir d'aliments comestibles comme le sucre, l'amidon, les huiles et les graisses végétales. Ils sont produits de manière industrielle aux États-Unis, au Brésil, en Europe et en Asie. Mais le bilan carbone de cette énergie verte est remis en cause depuis une quinzaine d'années. Puis sont arrivés les biocarburants de deuxième génération, issus de la biomasse comme le bois, la paille, l'écorce, les feuilles ou les résidus de canne à sucre. Leurs gisements sont certes plus importants que celui de la génération précédente, mais leur coût de production reste encore trop cher pour représenter une alternative sérieuse aux carburants fossiles. Nathalie Alazard-Tout de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Aujourd'hui, on a un prix hors taxe du gazole et de l'essence, je dis bien hors taxe, qui est de l'ordre de 35 centimes d'euros par litre. Si vous prenez le coût de production des biocarburants de deuxième génération, on est plutôt aux alentours de 70 à 90 centimes d'euros par litre. Ça vous illustre un petit peu le fait qu'on n'est quand même pas encore tout à fait compétitif. Et pour que ces filières se développent, il y a besoin soit de politiques incitatives, c'est-à-dire d'obligation d'incorporation de ce type de biocarburant, soit de défiscalisation, etc. Aujourd'hui, la réglementation européenne limite à 7% le pourcentage d'intégration de biocarburants de première génération dans l'ensemble des carburants. Les investisseurs, échaudés par ce manque d'engouement, hésitent à se lancer dans le financement des carburants de deuxième génération. Et actuellement, seule une dizaine de sites dans le monde produisent des biocarburants G2, de manière industrielle. Mais il n'est pas impossible que la filière se développe à la faveur d'une évolution du marché du pétrole. Nathalie Alazartou de l'IFPEN. On estime aujourd'hui que si on organise l'amont de la filière, c'est-à-dire tout ce qui est collecte de la biomasse de manière un petit peu plus organisée, de manière un peu plus efficace, on pourrait arriver à abaisser le coût de production de ces biocarburants à environ 50 centimes d'euros par litre. Donc si vous avez un prix du baril qui augmente et puis qu'on arrive à faire ça, à organiser la filière, on peut arriver sur des choses qui sont beaucoup plus compétitives. À l'horizon 2030, les biocarburants G2 devraient avoir supplanté les G1 avant que la troisième génération, celle des carburants à base de la biomasse marine, ne prenne peut-être à son tour le relais. Retrouvez la chronique éco en podcast sur lapremière.fr. Votre rendez-vous d'information en France et à l'étranger, ce sera dans quelques instants avec la rédaction de France Info. Juste avant, voici Axel Red, Restez femme. Laisse-moi rester femme. Laisse-moi rester femme. Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Plus que mes bras noirs, je ne te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard. Et même si je voulais savoir où tu es, qui tu vois, qui te sépare de moi, je ferais semblant. Croire tes mensonges, et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi rester femme, vu ce qu'on l'a. Écoutez Réunion Première, il est 13h, voici le journal de France Info. L'info avec Bintili Diallo, bonjour Bintili. Bonjour à tous, le prix Nobel de la paix 2016 doit tomber d'une minute à l'autre. France Info est mobilisée, nous vous tenons bien sûr au courant. L'ouragan Matthew frappe actuellement la côte est des États-Unis. La Floride est particulièrement vigilante, témoignage d'un Français qui vit à Palm Beach, ville menacée. Le Racing 92 se défend. Le club de rugby fait face à une polémique autour du dopage. Des traces de corticoïdes ont été retrouvées dans les urines de 3 joueurs du club. Les traitements étaient autorisés, assure le club francilien. 15 millions de pères et de mères appelés aux urnes aujourd'hui et demain, ce sera pour l'élection des représentants de parents d'élèves. France Info. Et le prix Nobel de la paix vient de tomber. Franck Madvon, vous nous racontez tout de suite. Écoutez, je vous raconte tout, oui. Alors, il s'agit de Juan Manuel Santo, ce petit doute sur le fait qu'il soit seul désigné, c'est le président colombien en tout cas. Alors il faut d'abord rappeler l'actualité récente, hein, vous le savez, le 26 septembre, Juan Manuel Santos et le chef des FARC, Rodrigo Londoño, qui est plus connu sous le nom de guerre de Timochenko, ont signé un accord mettant fin à l'un des plus vieux conflits au monde. C'est une guerre qui a fait plus de 250 000 morts. Cet accord a été rejeté lors d'un référendum dimanche et soyons honnêtes, on ne pensait pas que Timochenko et surtout que Juan Manuel Santos obtiendrait le Nobel.